Pour tous vos problèmes en électricité, c'est les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés au niveau résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les électriciens du Nord, c'est au 1025 Première Rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'acheter localement protège notre économie. Après Adelis Stevenson, le Québec compte maintenant un nouveau champion du monde depuis samedi soir, c'est Arthur Beterbiev. Il était dans le coin d'Arthur Beterbiev. On parle évidemment de Mark Ramsey. On va parler un peu de comment il a vécu son combat. Salut Marc! Marc, d'abord, est-ce que l'adversaire était plus dur qu'on pensait? Parce que c'est pas nécessairement le gars qui avait la plus grosse force de frappe. C'était très défensif même de ça. On s'est rendu en 12e round. Est-ce que ça s'est passé un peu comme on l'avait anticipé? De notre côté, c'est sûr qu'on avait étudié comme il faut là, les vidéos de l'opposant. C'est un gars qui avait une belle carrière, de nombreux combats en amateur, participant aux Jeux Olympiques. Très bonne carrière également chez les professionnels. Alors, on savait qu'on avait un boxeur de qualité. Quelqu'un qui a une excellente défensive, qui était très refermé un peu dans sa coquille là, pour pas prendre de coups. Alors, on savait que ça allait être une soirée un peu plus longue qu'à l'habitude. On savait également qu'on se devait d'être patient avec ce boxeur-là. C'est sûr que là, quand l'occasion allait se présenter, il fallait être en mesure de bien exploiter ça, là, mais ça s'est passé un petit peu plus tard dans le combat. OK. Marc, est-ce qu'il fait qu'il n'avait pas fait beaucoup de rounds, Arthur, au cours des dernières années, avec toutes ces chicanes avec le groupe Yvon Michel et ainsi de suite? À quelque part, ça aide beaucoup aussi là, parce que tu sais, oui, on a beau s'entraîner, mais c'est pas la même affaire qu'une situation de match ou de combat là. Non, c'est sûr, je te dirais peut-être en début de combat on voyait un petit peu de rouille là, pendant deux ou trois rondes, malgré qu'Arthur Beterbiev est un boxeur là, qui quitte jamais, qui va jamais très très loin du gymnase. Habituellement il prend peut-être une semaine de repos là, habituellement il est de retour, il est toujours à l'entraînement. C'est pour ça qu'on rapidement là, on a vu ça partir. Mais oui, effectivement, c'est toujours mieux pour un boxeur là, d'être beaucoup plus actif que ça. OK. La foule huait pendant un certain moment. Est-ce que ça l'ajoute probablement par le manque de spectacle? Est-ce que ça l'ajoute une pression supplémentaire? Ben, notre compréhension de tout ça était que notre adversaire là, essayait pas beaucoup, était plus replié en défensive. C'est sûr que ça l'enlevait un peu du côté du spectacle. Les gens ici au Québec sont habitués de voir Arthur, il est très spectaculaire à chaque combat. Encore une fois, le fait que mon gars avait très peu de combats et est devenu champion du monde à son 12e combat professionnel, c'est très peu. Pour moi, c'est important. Dans le coin, je l'ai même rappelé, écoute, il y a des huées, mais je veux que tu restes concentré sur ce qu'on avait fait comme planification. Je veux pas que ça t'influence. Il faut y aller selon le plan et puis à la fin de tout ça, ben, les gens ont applaudi. OK. 12 combats champion du monde. C'est quelque chose, c'est quand même très, très... c'est quand même pas beaucoup de combats pour être champion du monde. Est-ce que, selon toi, est-ce que ça a mis aussi vite qu'on aurait pensé? Parce que c'est quand même toi qui l'as depuis le début de la carrière, Arthur Beterbiev, comme entraîneur. Est-ce que, dans le plan de match, je suis sûr que t'es pas le promoteur, mais dans le plan de match, après 12 combats, est-ce qu'on pensait vraiment qu'Arthur Beterbiev allait être champion du monde? Clair, bref, son avis, ouais. C'était quelqu'un d'exceptionnel, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en dehors du gymnase, qui ont ralenti, qui nous ont enlevé beaucoup de combats. Ouais. Je dirais que moi, quand on a commencé à progresser, je visais une quinzaine de combats. Ce qui est relativement, encore une fois, très rapide. Habituellement, je dirais là, que la moyenne est entre 20 et 25 combats avant ouais. Le premier combat championnat du monde. 15, c'était quand même rapide, mais là, à 12, là, on n'est pas loin des records. Là. OK. C'est quoi la suite maintenant? C'est sûr que c'est pas toi qui es le promoteur encore. Il n'y a pas de promoteur. Il est toujours en dispute avec Jim. C'est quoi la suite des choses dans le cas d'Arthur Beterbiev? C'est-tu un combat contre Kovalev, à Denis, Bivol également? C'est quoi? Ben, pour le moment, c'est sûr que là, il va prendre ouais. Une semaine de congé. Par la suite, bien sûr, là, on va voir la direction que les tribunaux prennent et puis tout ça, là, c'est un petit peu en dehors de mon expertise. Ouais, ouais. Mais nous, de notre côté, c'est sûr que là, on commence à regarder les adversaires qui pourraient donner des adversaires obligatoires ou encore les autres champions qui sont Kovalev, Bivol et Adonis. On regarde tout ça. C'est sûr qu'on va aller là, du côté là, où ça va être le meilleur défi pour Arthur. Il a déjà 32 ans. On ne pourra pas se permettre là, des adversaires de deuxième niveau là, très souvent dans sa carrière. OK. Est-ce que. Comment tu fais, Marc Ramsey, pour. Écoute, tu as plusieurs boxeurs là, sur ta garde. Tu n'as pas le temps de fêter beaucoup parce que quand on regarde tout ça, là, je t'ai appelé pour l'entrevue. Tu as dit non, pas à 4 heures parce que j'ai quand même d'autres boxeurs. À quelque part, c'est un horaire vraiment très, très chargé. Pas le temps de. Pour vous donner une idée, on est arrivé hier soir à minuit à l'aéroport de Montréal. À 7 heures ce matin, j'avais un entraînement avec Christian Billy. J'avais David Lemieux entraîné à 3 heures cet après-midi. J'avais tout un autre groupe, là, dont Eléder Alvarez là, à 4 heures. Alors, non, c'est un horaire qui est très chargé, mais le secret de tout ça, c'est vraiment une équipe. Je suis très bien entouré. J'ai deux bons assistants entraîneurs, Samuel Descarry et Luc Vincent Ouellet. Rosenberg qui me donne toujours un coup de main également. C'est la clé. OK. Comment tu vois ça en terminant le combat de David Lemieux contre B.J. Sanders? Le fait qu'il est à Montréal, est-ce que ça va aider beaucoup? C'est sûr que c'est un atout pour lui. Ouais. J'ai été vraiment surpris de c'est le travail de Camille Estéphale des dernières mesures de mettre tous ses partenaires et de réussir à faire quelque chose, une demande qui est acceptée du côté de Sanders quand on connaît la force de la boxe en Angleterre en ce moment. On a réussi à l'attirer ici, c'est un atout pour nous, mais il n'en reste pas moins que c'est un très grand défi. Sanders est un très, très bon boxeur. Effectivement. Marc Ramsey, félicitations. On va peut-être avoir le plaisir de se parler après le 15 décembre. Parfait. L'entraîneur Marc Ramsey.